La direction et le personnel du marché Richelieu épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 62 ans, nous prenons plaisir à vous servir. C'est d'ailleurs pour vous remercier de votre support indéfectible que nous avons complètement rénové notre espace et nos équipements au cours de la dernière année, soucieux d'être à la hauteur de vos attentes, chers clients. Nous serons honorés de continuer à bien vous servir en 2018. De la part du marché Richelieu, épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison Vesson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison Vesson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-58. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparay. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. C'est la rétrospective de l'année de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, on va échanger un petit peu qu'est-ce qui a marqué ton année à toi, puis après ça je vais te dire les miens. C'est quoi, qu'est-ce que tu penses en 2017, tu penses à quoi? Ben, moi, deux gars qui ont le même nom, Samuel Girard. Ah, OK. Le patineur de vitesse qui est connu saison tout à fait exceptionnelle puis qui va nous représenter au Canada puis qui a d'excellentes chances de médaille, qui est parmi les meilleurs au monde. On parle pas de pic, là, meilleur au monde, là. Et personne ne l'attendait là, aussi rapidement dans le cas de Samuel Girard. Et l'autre Samuel Girard, ben, personne n'aurait pensé qu'à 19 ans, il jouerait dans la Ligue nationale entre 15 et 20 minutes par match. Ah, c'est le cas. Dans le cas des deux Samuel Girard. Donc, c'est deux joueurs tout à fait exceptionnels qui sont dans notre région et qui ont pas été élevés dans l'abondance avec toutes sortes d'équipements, puis il y avait des choses faciles, là. Non. Ils ont travaillé fort pour réussir à atteindre les sommets qu'ils ont. Puis actuellement, ces deux-là, ben, ils rejaillissent sur notre région, puis ils connaissent du succès tout à fait exceptionnel. Puis bravo à ces deux gens-là. Deux gars très sympathiques, très, très, très terre à terre. Pas hautain pour jour, puis qui savent reconnaître leur monde également. Donc, moi, Samuel Girard, le patineur, je ne le connais pas beaucoup, par exemple. Je ne connais pas pantoute, je ne l'ai jamais interrogé. Par contre, l'autre Samuel, j'y ai parlé régulièrement. Puis de ce que j'ai fait deux entrevues avec lui depuis qu'il est avec. Une entrevue depuis qu'il était avec l'Avalanche, puis. Il est encore le même gars, hein. Je pense qu'il il va rester le même gars, ça, tu sais. Oh oui, je suis aucune inquiétude. Puis l'autre Samuel Girard, la même chose, là. Ouais. Tu sais, je veux dire. À 15 ans, il était rendu à Montréal. C'était pas évident, comme Samuel était à 16 ans à Shawinigan. Tu quittes la maison, tu quittes la famille, tu quittes le confort, tu tombes dans des maisons de pension. C'est pas, oui, ils sont bien traités, oui, ils sont, mais c'est pas comme chez toi. Donc, et quand tu regardes un peu leur cheminement après, ben, dans le cas de Samuel Girard, le patineur, ben, écoutez, il est tombé quand même avec l'élite mondiale partout. Et ce qui est impressionnant, il performe, il continue de performer. Donc, c'est tant mieux pour lui, et c'est extraordinaire ce qu'il réussit. Et dans le cas de l'autre Samuel Girard, ben lui, c'est une grande surprise. Moi, je vous dis honnêtement, Samuel Girard de Robertval, je me disais, oui, il va jouer dans la Ligue nationale, mais jamais j'aurais mis 5 cents qu'il aurait joué à 19 ans sans terminer son hockey junior. J'avais même pensé qu'il aurait besoin d'une année ou deux dans la Ligue américaine par cause de son gabarit. Mais encore là, on dit son gabarit, on dit ça depuis qu'il est bantam, son gabarit. Midget 3 c'est son gabarit. Junior majeur, c'est son gabarit. Ouais. Il est dans la Ligue nationale, puis on parle encore de son gabarit, mais il performe et réussit très, très bien. Sa transaction qui l'a fait passer du prédateur, des prédateurs de Nashville à l'Avalanche, on ne l'a pas vu venir, pas du tout. Non. Par contre, je peux te dire que moi, j'étais déçu pour lui, pour sa carrière. Je me disais, il s'en va dans une organisation. Il est vraiment dans la meilleure organisation qu'il peut pas pour développer les défenseurs. Ça, les prédateurs ont l'historique. Pour sa carrière, ouais, c'est la situation idéale. Mm. Parce qu'à Nashville, il était tombé dans une équipe bien en dessous défensivement. Il aurait pris 3 ou 4 ans avant de faire sa place. Parce que, on dit ça encore, mais il était encore dans la Ligue nationale au moment de la transaction. Tu allais me dire qu'il jouait moins souvent, oui, mais il était quand même parmi au moins les 7 ou 8 meilleurs défenseurs de toute l'équipe Nashville. C'est une des meilleures formations de la Ligue nationale. Mm. Mais en arrivant au Colorado... Écoutez, il est tombé dans le top 4, là, en arrivant là à 19 ans. Donc, imaginez-vous que dans les prochaines années, il va être sûrement top 3 puis top 2, là. Donc, c'est là que pour lui, sur le plan personnel, pour jouer directement à l'Union nationale, je pense que le Colorado a été idéal pour obtenir les honneurs puis gagner peut-être rapidement et avoir un jour, peut-être que c'était, ça aurait été avec la formation de Nashville, mais ça, l'important pour lui, il joue dans la Ligue nationale. Il gagne des belles pièces, puis tant mieux pour lui. Oui, effectivement. Donc, je suis bien content. Puis quelle chance que le Canadien ne l'a pas repêché. C'est pour lui. parce que c'était ça carrément. On n'a pas été l'intention du Canadien de l'avoir échangé. Puis Marc Bergevin, dans le fond, il a fait une transaction pour avec les Blackhawks de Chicago. Fait que, S'il avait été le Canadien, là, moi je pense qu'il jouerait avec le Canadien, là, au moment où je parle, quand je regarde un peu ce qu'ils ont en défensive. Le problème, c'est que la pression à Montréal aurait été énorme sur ses épaules. Tu sais, un peu comme Dano, tu sais. Dano, c'est un bon jeune joueur de hockey, mais c'est pas un mégastar. Dans le cas de Samuel Girard, on le considérait comme une mégastar. Donc, imaginez-vous toute la pression médiatique qu'il y aurait sur lui, ce gars-là. Ce serait incroyable. Puis à 19 ans, t'es pas nécessairement toujours prêt à subir cette pression-là de la part des médias. La pression sur la glace, Samuel est capable de bien vivre avec. La différence, c'est que dans le public, t'es plus capable d'aller nulle part sans que t'es pointé du doigt, que t'es montré, que tout le monde veut te parler, tout le monde veut avoir un autographe, tout le monde veut avoir une photo. Au Colorado, oui, il est connu, mais pas comme à Montréal, il l'aurait été. À Montréal, vous avez le premier ministre à Robert Val, il est très connu, on le voit partout. Mais là, Samuel lui aurait volé la vedette, il serait devenu plus populaire, puis il aurait plus été vu que lui. Là. Scruté à la loupe, ses faits et gestes. En tout cas, moi, je suis bien content pour lui. Puis l'autre, Samuel... Tant mieux pour lui, dans le cas de Samuel, c'est que il continue de déjouer tous les pronostics et tous les experts à propos de sa carrière. Après, maintenant, l'autre Samuel, je pense que ça va être lui que repose toutes les Olympiques actuellement pour les chances de médaille de l'équipe canadienne du côté masculin. Aucun doute que c'est le meilleur patineur du Canada aux prochaines Olympiades. Ouais. Sur 500 et 1000 mètres, il est parmi les meilleurs au monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que, quand tu arrives aux Olympiques, la compétition est très féroce, surtout les Asiatiques. Ouais. Les Asiatiques sont vraiment très forts, ils ont des très bons patineurs. Et surtout du côté masculin. Du côté masculin, là, puis les Pays-Bas aussi. Donc, ce sont des grosses pointures pour... mais moi, je suis convaincu qu'il va gagner minimum une médaille là-bas. Ouais. Puis je te dirais deux minimum là-bas. Ils vont revenir probablement l'un des athlètes les mieux médaillés dans les prochaines années. Mais encore là, il y a 20 ans. Écoute, il va être à son sommet probablement à la prochaine Olympiade. Mais encore là, il est parmi l'élite mondiale. Et moi, je suis convaincu qu'il devrait gagner des médailles cette année. Au mois de février, c'est sûr que le pays va être rivé sur ce Samuel Girard-là que bien du monde ne connaissent pas à travers le Canada, mais qui vont apprendre à connaître. Comme Marianne en 2017. Moi, mes événements marquants en 2017, Phil, c'est trois. J'en ai trois. Samuel Girard fait partie, c'est le troisième. Moi, c'est le premier, c'est ce qui s'est passé avec la Russie à la toute fin de l'année, quand le CEO... vraiment a montré beaucoup de cran. Écoute, la Russie, là, au niveau politique, là, c'est fort. Là. Puissant. Ce que le CEO a fait, c'est génial. Danny, tu as raison de dire que c'est un événement marquant dans l'histoire de l'olympisme et dans le sport au monde. Suspendre un pays de la grosseur de la Russie et de leur dire « Vous ne serez pas là-bas avec vos athlètes », là. C'est énorme comme décision. Il y a un poids énorme sur le comité qui a pris une telle décision. Mais je pense que c'était tellement du gros, le dopage, puis les produits de, du côté de la Russie, je pense qu'ils étaient, ils n'avaient pas le choix de poser le geste qu'ils ont posé. Mais ça, c'est un geste courageux, tu vas me dire, là? Oui. Je suis d'accord. Mais là, si tu veux pas embarquer là-dedans puis continuer à grossir, il fallait absolument, là, péter la balloune. Ils l'ont fait. Maintenant, écoutez, puis moi, je suis content. C'est pas on va manquer les Russes aux Olympiques. Ce sont des athlètes exceptionnels. Mais où j'en ai, c'est qu'il y a des gens qui ont gagné des médailles et qui ont privé d'autres athlètes qui auraient mérité des médailles et qui n'ont pas touché les médailles. Même si demain matin, Danny, toi, tu aurais terminé quatrième exemple en ski de fond, et là, on dirait, Danny, malheureusement, il y a un athlète, effectivement, russe qui t'a dévancé, on l'a pénalisé, on y enlève sa médaille, on va te remettre ta médaille. C'est pas comme dans l'euphorie du moment, dans le moment précis, avec toute la gloire qui est autour de ça. C'est pas la même chose, là. On va mettre un Astérix à côté. Danny Veilleux a été médaille de bronze en ski de fond parce qu'il y a un athlète russe qui a été dopé mais qui a été exclu après. C'est pas la même chose que de gagner directement sur le moment. Au fil d'arrivée, tu lèves les bras, tu dis j'ai une médaille, je suis le podium. Et c'est pas la même chose. Et moi, je pense que le geste courageux qu'a posé Jean du CIO, moi, je trouve ça exceptionnel. D'accord, mais il fallait le poser, puis c'était le moment précis. Et deux, tu fais pas ça à un pays qui gagne une médaille. Mais non. Tu fais ça dans un pays où tu sais que eux autres, là, ça marche avec ça, puis on fonctionne avec ça, puis c'est la popularité du pays, puis tout ce qui entoure leur visibilité à travers le monde est autour de ces athlètes-là. Ben, je pense que là, on leur a donné un bon coup, ça claque sa gueule, puis je pense que c'est la Russie qu'on a pris. Mais il y a d'autres pays qui doivent se sentir petits dans le soulier également, qui font probablement le même genre de choses derrière. Parce qu'il y a un niveau commanditaire. Moi, ils m'ont vraiment surpris. Tu sais, t'as la télévision, NBC qui ont payé une fortune. Les commanditaires, écoute, là, tu te prives d'un pays majeur. Là. C'est vraiment une très grosse histoire. Ah oui, de courage. Mais Danny, c'est tout vrai. Mais tu sais que les Olympiques d'hiver, c'est quand même moins populaire dans les grandes villes comme les États-Unis et l'autre, que les Jeux d'été. On est d'accord là-dessus? Oui. Donc, à ce moment-là, c'était peut-être l'endroit et le choix qu'ils ont fait de dire « on dénonce là », parce que les Olympiques d'été, tu sais comme moi que c'est encore le double et le triple des Olympiques d'hiver. Oui. À cause du nombre de pays, à cause également des grands pays qui y participent et qui gagnent des médailles. Alors que c'est moins vrai avec les Jeux d'hiver. Mais il fallait poser ce geste-là. Maintenant, avec des Jeux olympiques à tous les deux ans, maintenant, l'hiver, l'été, je pense qu'il fallait un jour ou l'autre poser. Mais ça fait que plusieurs années qu'on sait tout ça, mais on n'osait pas. Là, comme tu dis, ça prenait un geste courageux pour le faire, mais on a choisi ce moment-là, puis on l'a fait. Ça, c'est mon événement marquant. Et mon deuxième événement marquant, c'est GSP. Quel retour de Georges St-Pierre. C'est incroyable. Écoute, après 4 ans, il n'y a pas personne qui... Tu sais, je suis pas un spécialiste d'arts martiaux mix, mais écoute, il revient avec un combat de championnat du monde. Il revient pas avec un combat de remise en forme, un combat de championnat du monde. Puis on l'a su par après, toute la misère qu'il a mangé, ça n'a pas été facile pour lui, son camp d'entraînement. Chapeau, ça, c'est un grand champion, GSP, là. Moi, ce que je trouve dans le cas de GSP... Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418 1-866-95-95 ou varietélcr.ca. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbault-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbault-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Dan. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Bon, Phil, ton souhait, j'imagine que c'est un souhait ton premier souhait, c'est l'annonce du Centre Georges Vézina de l'ouverture, c'est ça, de la création d'un nouvel amphithéâtre? Surtout qu'on... On apprend ce matin, c'est pas au moins ce qu'on a enregistré l'entrevue, c'est le 21 décembre. Dominique Fortin, oui, de Radio X Saguenay a annoncé, ça fait deux jours qu'il en parle, que le provincial et ce matin il est allé plus loin. Et le provincial aura une enveloppe de 60 millions à mettre sur la table pour un nouvel amphithéâtre. Écoute, j'ai très peu. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Radio-Canada, Montréal. Okay. On a parlé de l'amphithéâtre à Laval, qui devait coûter 130 millions, 150 au total, en a coûté 200. Mais là, on parle d'un stationnement qui a coûté 30 millions supplémentaires et tout. Ouais. Sauf qu'on dit que le Québec va s'engager à payer 50 % de la facture, comme ils l'ont fait à Trois-Rivières, comme ils l'ont fait également à Shawinigan. Ce sont des projets. Ça, c'est parce que le problème un peu de cette situation-là, et Gatineau l'a vécu, tu peux pas passer ça dans une enveloppe normale, ou dire un tiers, dans des projets de structure. Ça prend des projets spéciaux du gouvernement, une loi spéciale, où le gouvernement s'engage à payer 50 % de la facture ou 60 % de la facture. Mais moi, ce que je retiens, c'est que cette semaine, le premier ministre est venu à l'Anville, il a rencontré Mme Néron, la mairesse de la ville, il a été discuté de deux projets, le Palace. Et d'ailleurs, le Palace est déjà dans le budget de la ville pour cette année, 1 500 000. Le fédéral mettait 1 500 000, puis le provincial mettait 1 500 000 dans le projet qui coûte autour de 5 millions. Donc ça, c'est un projet réglé. Il reste le Centre Vézina. Mais, lors du point de presse des journalistes à la question du Centre Vézina, il a dit, ce que j'ai discuté avec Mme la mairesse, ça semble pas nécessairement être une rénovation. Ça semble autre chose de plus gros. Donc, si tu parles pas de rénovation, tu parles de plus gros, tu peux pas parler d'autre chose que d'un amphithéâtre neuf, là. Ouais. Moi, je pense qu'on est rendu là. Et c'est sûr que... Et moi, je continue de penser que le timing est bon. Qu'on est en élection provinciale dans un an. Le premier ministre s'est ouvert, il a dit, moi, je suis ouvert, je veux le régler ça avant mon départ, avant l'élection. Et deux, c'est qu'au fédéral, on est en élection également à cause de M. Lemieux qui a quitté dans les dernières semaines. Il y aura une élection très bientôt, là, où Richard Martel va être candidat. À ce moment-là, tu sais, moi, je pense que le timing est bon, c'est de mettre la pression nécessaire sur les instances gouvernementales pour dire, êtes-vous prêts? Nous, on est peut-être prêts à ce moment-là. Donc, moi, personnellement, j'y crois un aréna neuf, et je me dis, et il faut pas penser également que c'est seulement l'aréna pour Saguenay. Non. C'est un amphithéâtre d'envergure comme ça, c'est un amphithéâtre pour la région. Quand tu voudrais faire venir des spectacles d'envergure qui se déroulent à Québec ou à Trois-Rivières ou à Montréal, où tu as besoin d'un aréna de 5000 sièges ou 4500, et tu pourrais, pour la région, au lieu de se déplacer pour aller à Québec ou aller à Montréal ou aller à Trois-Rivières, on pourrait le faire. Je regarde régulièrement le cycle du soleil chaque été à Trois-Rivières. Pourquoi? Parce qu'ils ont les installations nécessaires pour offrir de tels événements. Ici, on n'en a pas d'installations comme ça. Écoutez, on a fait fixe au printemps, ici au Centre Vézina. Il y avait près de 3500 personnes. À 75$ du billet, tout le monde va vouloir voir ça. Ça a tellement coûté cher d'infrastructures pour réussir à monter la scène et organiser tout l'amphithéâtre au complet, que quand t'es arrivé à la fin, tu comptes des dollars, t'arrives au bout, tu dis, fais pas de maudite scène, j'en perds quasiment. Pourquoi? Pourtant, on a rentré plusieurs centaines de milliers de dollars de recettes, mais on a tout mis sur l'infrastructure pour réussir à voir, parce que Centre Vézina n'est pas capable d'accueillir un tel événement. Donc, moi, je pense qu'on est rendu là. Puis notre région est quand même une région d'importance à travers le Québec, là. Ouais. C'est le temps ou jamais de bâtir un amphithéâtre à l'envergure des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'imagine que c'est ça ton souhait numéro un. J'imagine que c'est ça... J'espère que les Canadiens vont enfin repêcher un peu mieux qu'ils ont fait les dernières années d'année. Ben, commence par espérer le congédiement de Trevor Timmons. Mais Danny, je sais que toi, tu n'es pas un fan de Timmons, là. Dernièrement, je regarde un peu les choix qu'il a repêchés. Gervatchev, qui connaît tant de succès avec la formation de Tampa Bay, c'est lui qui l'a repêché. McDonough, qui est avec les Rangers de New York, qui est le défenseur numéro un de l'équipe, c'est lui qui l'a repêché. Carey Price, c'est lui qui l'a repêché. Tu sais, je regarde ça, là. Tu sais, je lui dis, sauf que c'est tout bas par rapport à faute de Timmons. Si on a échangé Gerbatchev, qu'on a échangé McDonough. Jared Tinordi, je peux te parler de Michael McCarron, je peux te parler de... Oh oui, mais ça, Danny, dans toutes les organisations, il y en a comme ça. Quand tu repêches pas trois, quatre premiers, après, là, il y a bien des gens qui se perdent, là. Mais c'est parce que là, nous, on les analyse plus parce qu'on est chez nous. Comme tu peux trouver un choix de repêchage en huitième ronde qui devient, je vais te donner un exemple, Palat, qui joue avec Tampa Bay. Sais-tu à quelle ronde qui a été repêché? 8e ronde. Ouais. Hein, puis il est un joueur majeur actuellement dans la Ligue nationale avec la formation de Tampa Bay. 8e ronde. Tu sais, il y a bien des joueurs de première ronde qui ont jamais. Ils connaîtront jamais la carrière de Palat avec la formation de Tampa Bay. Mais ça, Danny, il y en a partout de ces joueurs-là, puis on peut toujours en trouver également. Moi, mon choix, Phil, ben, je pense que mon choix a été reculé beaucoup. C'est l'annonce. Moi, j'avais fait une prédiction depuis 2016. Que le baseball allait être annoncé en 2018 pour le premier match au Stade olympique en 2020. Et avec changement de la mairie de Montréal, ça peut reculer. Ouais. Puis ce qui s'est passé cette semaine avec la Formule 1, j'ai bien l'impression... C'est une autre claque à gueule également pour des dossiers comme ça. Ouais, j'ai l'impression que la mairesse va vouloir se distancer de Denis Coderre. Es-tu d'accord avec moi? Ah, je suis entièrement d'accord, je partage ton avis à 100%. Ouais, j'ai l'impression que ça va être... ça leur refroidit beaucoup. Phil, je vais te souhaiter une bonne année... Moi, c'était une superbe année. Merci, puis de la santé surtout, Danny, c'est ce qu'on a besoin. Ouais, santé, bonheur, prospérité, puis on s'en parle en 2018. Merci. C'est le fil des gagnants.